Chapitre 5. Notice sur Saint Jean, Soin de Gotteau, et sur Saint Jacques Quissaille, novice de la Compagnie de Jésus. Jean Soin, le second de nos saints martyrs, naquit dans le royaume de Gotteau, consistant dans un groupe de 5 petites îles, fort habitées malgré leur stérilité. La foi y avait été portée par 2 frères catéchistes, Louis Almeida, portugais, et Laurent, docteur japonais, converti et reçu dans la compagnie par saint François-Xavier lui-même. Elle s'y propagea surtout lorsque le prince Louis, baptisé par le père Jean-Baptiste Monti, fut monté sur le trône en 1571. Grâce au zèle de ce prince admirable, elle y devint bientôt la religion dominante. Mais la mort du roi Louis, en 1579, changea la face de ces îles. Un de ses frères, idolâtre zélé, usurpa la couronne sur l'héritier légitime, qui était un jeune enfant et dont il était le tuteur. Mais comme le jeune prince dépouillé, imitateur fidèle de son père, demeura ferme dans sa foi, le Seigneur le fit remonter dans la suite sur le trône qui lui appartenait. Dans l'intervalle, l'église de Gotteau fut persécutée sans relâche, et beaucoup de chrétiens cherchèrent leur sûreté ailleurs. Les parents de Soane furent de ce nombre, et ils se réfugièrent dans la ville de Nagasaki, où se trouvaient beaucoup de chrétiens. Ils y amenèrent leur jeune fils Jean, qui, né en 1578 et baptisé dès sa naissance, n'avait qu'une année lorsque la persécution éclata dans le Gotteau. Il fut donné de bonne heure aux missionnaires de Nagasaki, pour qu'ils prissent soin de son éducation. Cette éducation était bien propre à former des catéchistes et des martyrs. Dans l'école publique qui était attachée à chaque mission, l'on enseignait la doctrine chrétienne, quelques principes des belles lettres, le chant de l'Église et même un peu de musique. Mais les missionnaires ne se contentaient pas de ce moyen commun d'instruction. Ils prenaient chez eux ceux d'entre les enfants en qui ils remarquaient de meilleures dispositions et plus de talent. On exerçait ces écoliers choisis d'une façon particulière à parler en public sur les points principaux de la religion et de la morale chrétienne, et ils s'en acquittaient généralement avec une grâce ravissante. On les accoutumait aussi peu à peu à l'oraison mentale et aux autres exercices établis dans les séminaires ou pensionnats. Ces enfants entraient dans tout avec une facilité et une affection surprenantes. On les voyait pratiquer des vertus qui auraient fait honneur aux religieux les plus consommés. Plusieurs ne pouvaient entendre parler de la passion du Sauveur sans fondre en larmes, et ils s'exprimaient sur ce sujet de manière à faire comprendre qu'ils sentaient parfaitement ce qu'ils disaient. Tous les vendredis, ils s'assemblaient dans l'église, d'où ils allaient processionnellement vers une représentation du Saint-Sépulcre, vêtus d'habits de pénitents et portant chacun un instrument de la Passion. On les voyait marcher avec une modestie et une piété qui ne se sentaient pas de leur âge, et ils paraissaient pénétrés de la grandeur et de la sainteté du mystère qu'ils représentaient. À mesure qu'ils arrivaient au terme de la station, ils se prosternaient contre terre et formaient à haute voix des actes et des aspirations en rapport avec les instruments dont ils étaient chargés. Ils les terminaient toujours par demander avec larmes la grâce du martyr. Quand tous avaient fini pour faire voir combien ils étaient disposés à répandre leur sang pour Jésus-Christ, ils se découvraient les épaules et prenaient tous ensemble une rude discipline à la vue de tout le peuple, à qui la ferveur de ces petits innocents faisait pousser des soupirs et des sanglots. Ce fut cette pieuse éducation que saint Jean Soin reçut à Nagasaki, et personne ne profita plus que lui des soins que ses maîtres lui consacrèrent. À l'âge de 15 ans, il fut jugé digne d'être fait dojiko ou catéchiste. C'était un emploi d'une extrême importance. À cette époque, toute l'organisation des missions, non seulement au Japon, mais encore ailleurs, reposait sur les catéchistes. Les missionnaires n'étaient qu'en petit nombre, ils ne savaient souvent qu'imparfaitement la langue du pays. Ils étaient tous accablés de 1000 détails d'administration, quoiqu'on ne fût pas encore si enclin qu'aujourd'hui à tout administrer. C'étaient des catéchistes qui étaient maîtres d'école et professeurs dans les séminaires ou pensionnats. Des catéchistes qui recherchaient les païens de bonne volonté. Des catéchistes qui instruisaient les catéchumènes, les enfants chrétiens et même les personnes âgées. Des catéchistes qui prêchaient sur les places publiques et même quelquefois dans le palais des rois. Des catéchistes qui remplaçaient les missionnaires. Des catéchistes qui soutenaient des controverses avec les bonzes. Des catéchistes qui remplaçaient les missionnaires durant leur absence. Absence qui, hors des centres de mission, se prolongeait souvent des années entières. Des catéchistes, enfin, qui faisaient alors les prières dans l'église, baptisaient les enfants, corrigeaient et punissaient les pécheurs et aidaient les moribonds à sortir saintement de cette vie. Les uns étaient célibataires, les autres mariés. Les uns faisaient partie de la compagnie ou se préparaient à y entrer. Les autres se contentaient de travailler sous la dépendance et la direction des pères. Tous étaient les bras ou des membres très utiles de la mission, tandis que les missionnaires en étaient la tête et l'âme. Il est facile de comprendre combien il importait de relever aux yeux des simples fidèles et aux yeux des catéchistes eux-mêmes la grandeur et l'excellence de leur fonction. Aussi, lorsqu'un jeune homme qui se proposait de vivre dans le célibat était créé d'Ojiko, cela se faisait-il avec beaucoup d'éclat. On assemblait tous les fidèles et le supérieur de la mission célébrait une messe solennelle. S'il y avait des Portugais ou des séminaristes dans les environs, on les invitait à venir accompagner les chants de leur musique. Après l'évangile, un père montait en chaire et faisait un discours sur l'office d'un catéchiste et les vertus dont il devait briller. Aussitôt après, la musique et les chants se faisaient entendre de nouveau, et le catéchiste futur se prosternait à terre. Pendant ce temps, on lui coupait la touffe de cheveux que les Japonais portent sur le sommet de la tête et qu'ils rejettent en arrière comme les Chinois. La privation de cet ornement était un signe de renoncement à la vanité du monde. On dépouillait ensuite le récipiendaire de ses habits séculiers et on le revêtait d'une robe peu différente de celle que portaient les pères. Avant l'arrivée du père Valignani, cette robe était de soie, matière très commune là-bas, depuis d'étoffe de laine. À partir de ce jour, jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés à l'âge mûr, les catéchistes vivaient en communauté avec les jésuites, les accompagnaient dans leurs excursions, leur servaient la messe et les aidaient à instruire les ignorants. Ils devaient faire tous les jours la méditation et l'examen de conscience, s'approcher un certain nombre de fois pendant le mois des saints sacrements et faire l'apprentissage de la vie religieuse à laquelle la plupart aspiraient. Telle fut la cérémonie par laquelle le jeune Jean Souan fut consacré à Dieu. Tel fut le genre de vie qu'il mena depuis l'année 1593 jusqu'à son martyre. Il fut envoyé d'abord pour faire les fonctions de catéchiste dans la seigneurie de Xéqui, qui fait partie de l'île d'Amakusa, et dont plusieurs ont fait à tort une île distincte. De là, il passa à Osaka, résidence de Taiko-sama, pour servir de catéchiste au père Pierre Morejo, auquel il s'attacha beaucoup et qui conçut une très grande tendresse pour lui. Il était en effet très aimable, d'une candeur charmante, d'une innocence angélique, d'un naturel admirable et d'un courage bien au-dessus de son âge. Ce courage fut rendu plus robuste à Osaka même par le sacrement de confirmation qu'il y reçut, avec tous les autres catéchistes, des mains de l'évêque du Japon, Pierre Martinez. Il ne tenait qu'à lui de se retirer quand on mit des gardes à la maison des jésuites de cette ville. Mais il voulut mettre d'abord en sûreté les vases de l'hôtel qui étaient confiés à sa garde. Lorsqu'il se vit prisonnier, la première chose qu'il fit, ce fut de faire écrire au père Nieshi, qui était le supérieur des jésuites dans le temps, que puisqu'il allait avoir l'honneur de répandre son sang pour Jésus-Christ, il le suppliait de bien vouloir lui accorder la grâce qu'il sollicitait depuis plusieurs années, de le recevoir dans la compagnie. Ce fut Paul Miki qui écrivit cette requête. Le père Nieshi répondit d'une manière évasive et en référa au vice-provincial. À la fin d'une lettre sur l'état des affaires religieuses à Meako, ce père ajoutait « Je ne puis passer sous silence la demande qui m'a été faite par Jacques et Jean qui nous servent la messe. Parce qu'ils sont décidés à braver avec nous les dangers de mort, ils m'ont demandé d'être reçus dans la compagnie. » Je leur ai répondu que s'ils avaient le bonheur de mourir avec moi, leur sort serait très heureux. Que si, au contraire, ils échappaient au danger, je traiterais de leur désir avec votre révérence. Jean Sohan ne fut donc pas admis alors au rang des novices. Cette faveur ne lui fut faite que plus tard, ainsi qu'à Jacques Kisai. Celui-ci était un bon artisan du royaume de Biguen, où il était né vers 1533. C'est dire que ses parents étaient idolâtres, et que lui-même vécut dans l'idolâtrie, au moins jusqu'en 1549, année de l'arrivée de Saint-François-Xavier au Japon. Il est certain qu'en 1596, il était depuis longtemps chrétien, puisque le père Froese l'appelle Christianius Peranticus, terme qui semble indiquer un disciple de Saint-François ou des deux jésuites qu'il laissa au Japon en partant pour la Chine. Il fut très probablement élevé par des bonzes qui alliaient à cette époque une scélératesse consommée à des connaissances très réelles. On pense qu'il apprit d'eux la calligraphie japonaise, art dans lequel il excella malgré son énorme difficulté, car les Japonais n'ont pas de lettres, mais plusieurs milliers de signes d'idées qui ne s'écrivent pas, mais se peignent, et qui, par des combinaisons souvent très heureuses, représente des millions de mots ou d'idées composées. Notre martyr se maria, mais ne fut pas heureux dans son mariage. Sa femme, on ne sait à quelle occasion, renonça au christianisme. Cette apostasie ne rompait pas le lien conjugal, mais permettait à Kisai de se séparer d'habitation de son épouse infidèle. Le saint la quitta, mit son fils Jean entre des mains sûres pour être élevé dans la crainte de Dieu et se retira lui-même chez les jésuites d'Osaka. Son emploi principal dans cette maison était de recevoir les hôtes, car les missionnaires, grâce aux dons des chrétiens, exerçaient partout l'hospitalité. En conséquence de cette charge, il avait pour devoir de préparer le thé, que les Japonais appellent tsia ou janoki, et qu'ils servent à tous ceux qui leur rendent visite, soit en puisant dans un vase rempli d'une décoction de ses feuilles, soit en présentant de la poudre de thé sur laquelle on verse l'eau bouillante. Le saint homme savait faire usage du temps que demandaient les préparatifs pour entretenir les hôtes de choses saintes et spirituelles. Le père Froès ajoute qu'il était aussi chargé de faire les commissions au dehors et qu'il s'en acquittait de la manière la plus charitable. Ce ne furent pas ses seules occupations. Comme il était parfaitement instruit dans la religion, on le vit servir pendant quelques années de catéchiste, le chargeant de préparer au baptême ceux qui demandaient à devenir chrétiens. Il y avait déjà plusieurs années que Kisai avait été élevé à la dignité de Dojiko. Il ne se pouvait rien ajouter à la ferveur avec laquelle il remplissait tous les devoirs. Et ce qui relevait infiniment le mérite d'une vie si saintement occupée, c'était l'esprit intérieur dont il était animé. Tout le temps qu'il avait de libre, il l'occupait à la prière et surtout à contempler la passion du Sauveur, qu'il ne manquait pas un seul jour de lire tout entière et qu'il portait toujours avec lui. Il l'avait écrite lui-même en caractère idéographique japonais, avec tout le soin que lui avait inspiré sa dévotion et avec toute la perfection que, jeune encore, il avait acquise dans l'art calligraphique. Kisai avait alors 64 ans, Soan 18 à 19.